qui cherche à promouvoir ça, du coup, de multiplier les manifestations, les mobilisations de soutien pour faire pression, pour voilà, pour des soutiens. Et c'est un peu dans cette lignée qu'on s'est inscrit quand on a voulu monter notre collectif. Il y a aussi pour parler de choses concrètes là, un petit peu qu'on peut faire chacun pour soutenir, se mobiliser. Il y a quand même un à Paris qui se réunit tous les mardis vers 19h. En général, c'est dans les locaux de Solidaires, rue des Boulets. Donc, ils font des assemblées générales tous les mardis. Ils proposent des actions un peu concrètes. Ils font des projections de films. Ils font des affichages. Ils font des... Qu'est-ce qu'ils proposent comme... Voilà, des débats, des discussions. Nous, ce qu'on essaye de faire aussi ici, plus à Saint-Denis, c'est ce genre d'événement pour faire connaître, pour débattre, pour peut-être lever des zones d'ombre. Parce que vous avez pu remarquer, les traitements médiatiques de la question n'est pas toujours très favorable, même au sein des milieux de gauche. Il y a beaucoup de préjugés, de choses qui s'agit d'un peu de lever. Il n'y a pas une très grande mobilisation en France. C'est aussi parce que la gauche n'est pas claire, unie, et il y a des zones d'ombre à un peu dissiper définitivement. On aimerait qu'elles se dissipent définitivement parce qu'en général elles sont pas fondées. Il y a plein d'articles de gauche ou d'extrême gauche qui, pour critiquer le Rojava, font référence à des journalistes hyper libéraux qui font, enfin, et qui repagandent aussi voilà, libéral et anti-révolutionnaire. Bref, tout ça pour dire que voilà, nous on aimerait bien organiser une manifestation sur Saint-Denis d'ici courant décembre, janvier. On a des idées de projection, donc suivre sur Facebook si vous avez les réseaux de soutien Rojava Saint-Denis. Il y a les assemblées tous les mardis à Paris. Et donc nous on va continuer à organiser des événements comme ça le plus possible. Donc je sais pas si quelqu'un veut compléter sur le... Et voilà, enfin, si vous voulez réagir sur les moyens de mobilisation, sur les outils auxquels vous pensez, voilà, on peut aussi discuter de ça. Non, c'était pour réagir sur le traitement médiatique. En effet, moi, ça me pose beaucoup de questions. Bah, déjà, il y a une question à laquelle ça a été répondu avant, c'est-à-dire comme il n'y a pas de soutien, que l'État soutient un autre État, et là comme il n'y a pas d'État reconnu, du coup il y a tout un soutien qui se retire, notamment de la part des partis politiques. Je donne un exemple, hein, quand on voit par exemple d'autres luttes ailleurs qui sont populaires, et ben va y avoir certains partis, de gauche en France qui vont les soutenir en disant voilà, parce que chez nous ça pourrait se passer pareil. Ben là déjà sur tout ce qui est parti politique, il y a quand même une audience médiatique assez importante. Il n'y a pas de soutien qui se prononce parce que bah, c'est sûr que ça ne va pas aller booster des questions électorales. Hein ? Après, sur les partis de gauche, pardon, justement, c'est l'inverse. Sur les militants de gauche et d'extrême gauche, justement, comme tu le disais, moi, ça m'a pas mal interrogé et je me demandais si c'était quelque chose qui est quand même typiquement français et notamment par conflit d'étiquettes entre de ce groupe-là communiste ou de ce groupe-là libertaire ou de ce groupe-là, et donc du coup tu fais pas exactement la même chose et toi t'as plus d'argent et toi t'en as moins, et enfin voilà, et on sait que c'est un peu souvent le bordel. Est-ce que c'est attisé par étiquettes? Est-ce qu'il y a une dimension idéologique derrière qui est plus poussée? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a justement pas quelque chose d'assez clair et de posé là-dessus, et que certains qui vont être d'extrême gauche vont avoir envie de réaliser des informations négatives par rapport à ce qui se passe au Rojava? Est-ce que vous avez des éléments de réponse par rapport à ça? Vous savez les conflits existants, ou finalement vous ne comprenez pas trop et vous vous dites qu'est-ce qu'ils font, quoi, enfin... Je veux bien apporter... Il y a des chercheurs français qui travaillent sur le Moyen-Orient et qui c'est un peu leur pré-gardé. C'est eux les spécialistes. C'est surtout pas des gens qui viennent de là-bas, parce que les gens qui viennent de là-bas, on connaît, ils sont partiels, hein, forcément, ils sont objectifs. Pas comme nous, Français, qui sont capables d'être objectifs, d'être neutres, etc. En fait, c'est de la connerie, évidemment. C'est des gens qui ont un point de vue sur l'État, qui ont un point de vue sur le système capitaliste, sur le libéralisme, qui est le leur, mais qui ne l'affirment jamais. Et ces gens-là, certains d'entre eux, militants progressistes, ils essaiment des idées dans la sphère militante, et notamment, c'est triste à dire, mais certains soutiennent ouvertement des partis des partis de, se réclamant de l'islam politique, sous émancipation au Moyen-Orient, devraient passer par l'islam politique. Et en fait, ils essentialisent complètement les peuples du Moyen-Orient en pensant que c'est cette identité de l'islam politique serait la seule qui serait libératrice et qui serait une possibilité d'émancipation. Et malheureusement, ils arrivent à convaincre des gens. Et donc, du coup, on a les articles tout pourris de l'agitation autonome qui cherchent à tout prix à démonter ce qui se passe au Rojava et à trouver ce qui va pas. Mais on a aussi ce côté de faire ce qu'il faut chez nous. Par contre, du coup, on aime bien aller voir chez les autres. Et dès que c'est pas 100% pur marxiste révolutionnaire, on va faire la critique. Et à un moment, faut arrêter, en fait. C'est juste que, non, c'est pas parfait. C'est jamais parfait parce que c'est de la pratique. Et que peut-être que s'il est davantage ici, il sera un peu plus ouvert d'esprit sur ce qui se passe ailleurs. Voilà. Ouais, juste pour rebondir un petit peu et continuer. Bon, par rapport au traitement médiatique, on disait tout à l'heure, on a fait référence aux femmes combattantes mises en avant dans les médias et tout ça. D'ailleurs, on parle de féminisme, de démocratie et d'écologie. Féminisme et un féminisme vu d'ici, en ne connaissant pas du tout le contexte social, la sociologie de la Syrie, du Moyen-Orient et de comment ça se passe concrètement là-bas. Au projet, un projet d'émancipation des femmes. L'émancipation des femmes, elle passe par l'autodéfense et l'autodéfense féminine, c'est que leur émancipation, elle l'arrache. C'est un projet qui s'inscrit dans le confédéralisme démocratique, dans la gestion des affaires communes quotidiennement. Et donc, sans l'émancipation des femmes, leur auto-organisation, le projet du Rojava ne serait qu'une façade. Il serait complètement incomplet. Donc, c'est un pilier de cette forme d'organisation. Le traitement médiatique du Rojava, on nous dit que c'est féministe et que c'est les meilleurs combattants contre Daesh. Donc, c'est nos alliés naturels. Ils attendent le soutien de... Bon, l'État français n'a pas soutenu le Rojava. Quand il y avait les attentats, les autorités françaises ont dit qu'ils étaient en guerre et donc ils ont essayé de lancer une guerre contre Daesh et ils ont trouvé un allié de circonstance. Après, le traitement médiatique de toute la question du Rojava va... Du simple au compliqué, mais c'est plus ou moins les mêmes rengaines qui reviennent. Le soutien apporté par les organisations de gauche. Théoriquement, quelques organisations qui apportent leur soutien au PKK, qui essayent de dire de retirer le PKK dans la liste des organisations terroristes et tout ça, de l'Union européenne et de la France. Et tout ça et ce qui est étonnant, c'est que par exemple au début, après la bataille de Kobané, les premières formes ou groupes politiques du Rojava, c'était ceux qui s'inscrivaient dans le municipalisme libertaire. À l'époque, par exemple, il y avait Alternative Libertaire qui a créé tout un numéro pour faire parler du projet incarné du municipalisme libertaire dans une région du monde qui attend le moins avec une situation de guerre, d'embargo et d'encerclement. Depuis, il plaide pour une sorte de soutien critique, mais un soutien critique en parole. Et les critiques qu'il relaie, ça vient de ceux qui prétendent connaître le contexte pour avoir travaillé sur cette région du monde. Et quand on s'intéresse un peu de près aux références à chaque fois dans ce genre d'articles, on les trouve chez les chercheurs autoproclamés spécialistes du Moyen-Orient. Quand ils parlent de démocratie, ils omettent tout simplement de dire... démocratie et pas de féminisme aussi. On leur demande un petit peu leur modèle de féminisme qu'ils mettent en avant, et idem pour l'écologie et tout ça. Par rapport au petit groupuscule, les lève-tôt du du lundi matin ou d'agitation autonome et tout ça, moi, quand on essaye de lire un petit peu leurs arguments, ils reprennent des arguments qui viennent d'ici, de là, de la ligne éditoriale d'Al Jazeera, par exemple, qui est connue comme propagande d'Al-Qaïda. On s'appuie sur dix révolutionnaires syriens en exil qui, eux, ont leur vision de la situation. On parle de la révolution syrienne qui a duré une révolution, on peut peut-être accorder ce mot ou pas, mais de quelle révolution parlons-nous, et des idéaux de la révolution pour mettre en avant un petit peu ce qui s'est essayé de se faire de ce monde collectif autogéré comme gestion locale des affaires courantes au final. Et après, un autre point de ce genre d'attaque que ces groupes mènent contre le projet du Rojava, il y a de un, ils reprochent, en reprenant toujours la ligne médiatique très libérale de BFM TV ou de TF1, de classer tout mouvement socialiste d'autoritaire, pour comment on appelle ça, de totalitarisme et tous ces mots comme ça, d'un matraquage idéologique qui s'est institué depuis une quarantaine d'années. De l'autre côté, on reproche par exemple au PID ou aux structures qui sont au centre de la création de cette forme qui a duré quand même depuis 4-5 ans, donc qui s'est inscrit dans la durée et qui a réussi à faire adhérer les différentes composantes de la société syrienne, qui de peuple et de confession différentes, autour d'un projet qui permettait quand même d'intégrer toutes ces composantes sociales autour d'un projet commun d'émancipation locale. Le point qui revient dans ce genre de critique, c'est de faire l'amalgame entre la question humanitaire et la question politique. C'est-à-dire que ils disent souvent que ici en France, les partis de gauche, on parle toujours du Rojava, mais on ne parle pas des autres formes de résistance qui sont menées dans d'autres villes, que par exemple si aujourd'hui le Rojava est bombardé par les Turcs, et d'autres régions de Syrie se trouvent aussi sous les bombes du régime d'Assad, et donc au lieu de soutenir si on soutient le Rojava, pourquoi on parle pas des autres régions qui sont aussi qui subissent aussi les maux de la guerre. Mais la ligne de partage n'est pas faite quand on veut parler de questions humanitaires, de soutenir une population civile massacrée par les bombardements du régime toujours en place d'Assad, soutenu par l'aviation russe et des populations du Rojava. Donc par rapport à ce genre de critiques ou de ceux qui disent qu'ils apportent un soutien critique, personnellement, moi, parcourant un petit peu les différents articles qui ont été écrits sur la question, il y a d'emblée une mauvaise intention à chercher toujours un argument quelque part, et encore en avançant des arguments qu'on ne peut pas du tout vérifier, puisque au final, ils se basent sur des petites rumeurs. Quand, par exemple, à la libération de Kobané, comme historiquement, il y avait ce qu'on appelle les ceintures arabes en installant des populations arabes dans le territoire syrien, on craignait ethnique que les Kurdes allaient remplacer les populations arabes, que les organisations comme Amnesty International ou Human Rights ou machin mettaient en avant cette menace. Dans la durée et dans le temps, ça s'est démenti. Ministère divisé son propre constat, son propre rapport, dont par exemple ville libérée par les forces démocratiques syriennes à Raqqa, le même problème était posé, sachant qu'historiquement, séparation des différentes tribus, différentes confessions, il y a un climat très explosif où les peuples de cette région-là ne pouvaient pas composer ensemble parce qu'il y a la chape de plomb d'un État très autoritaire qui gère tout ça. Et depuis, les problèmes ont été vraiment réglés. Ceux qui brandissaient ce genre de menaces se sont basés au final sur soit des partisans de Daesh ou d'autres formations militaires djihadistes qui avançaient des arguments qui étaient complètement faux, soit d'une appréhension d'une population qui ne savait pas ce que c'était le projet du Rojava. Mais quand on regarde dans la durée, qu'au final, les menaces, les craintes qu'on avait ne s'étaient pas réalisées, qu'ils ont quand même réussi à trouver des compromis et à vivre ensemble et à construire quelque chose. Et la meilleure preuve, c'est que aujourd'hui, les premières bases du Rojava ont été attaquées. Donc, les grandes villes autogérées par les autorités autonomes du Rojava ont été perdues. Et les populations arabophones ou syriennes ou arméniennes qui ont adhéré à ce projet n'ont pas vraiment lâché ce projet-là. Et donc, tout ça se réduit à des calomnies et qu'on ne peut pas étayer, qu'on ne peut pas appuyer sur des arguments véritables. Quand on dit que ici en France, la gauche française fantasme les Kurdes ou fantasme la population, c'est que c'est qu'au final, ils ne font que reprendre les mêmes arguments avancés aussi par les médias dominants qui eux présentent aussi une image complètement fausse, complètement détourné de ce qui est la réalité du projet du Rojava. Bon, Donc, si je comprends bien, en fait, tu dis que par plein, une ridiculisation ou une tournure de manière dérisoire par rapport à justement ce regard que nous on en a de notre système, de notre fonction, de notre lutte pour le féminisme ou les droits qu'on... Et cette chose qui est quand même profondément et fondamentalement différente de notre lutte, parce que c'est une lutte qui est engagée par le biais d'autres méthodes, des éléments en fait qui la nécessité de cette action bien plus réelle et bien plus présente que nous actuellement en France. Ouais, parce que du coup ça répond à beaucoup de questions, notamment sur le traitement médiatique. Et le toujours intéressant, comme quoi en fait n'importe quel groupe qui va relayer quelque chose, ça va être d'une certaine façon pour servir plus ou moins son intérêt. Soit pour montrer qu'il avait raison, soit pour montrer c'est comme ça qu'il faut faire, soit pour donc, quand ça rentre pas dans les codes défendus par ce groupe, ils se disent « Ah ouais, non, mais c'est pas tout à fait ce qu'ils font, on va montrer tous les biais et tout ce qui dysfonctionne dedans. » Parce que ça ne répond pas à ces codes-là. Alors que, et ce qui est quand même assez fou par rapport à ce qui se passe au Rojava, c'est qu'en plus, le contexte est tellement particulier, et que ce soit par la victoire de guerre sur place, par en effet les différentes communautés qui existaient, enfin, ce n'est pas reproductible, bien évidemment que non. Ce n'est pas reproductible de la même façon ailleurs. Mais ce rapport de... J'avais pas en fait encore perçu comme ça la façon dont chaque groupe va relayer autre chose parce que ça lui sert. Et je trouve ça assez Et ce que je trouve justement intéressant, c'est que le Rojava ne fait pas ça. Enfin, quand on les voit en soutien d'autres luttes, et parce que plein de fois justement, ils ont envoyé des messages en disant « Voilà, on vous soutient, on regarde ce que vous faites, on veut partager ça avec nous, avec vous, fonctionne. » Et c'est pas du tout dans ce que vous faites. Par contre, il faudrait le faire comme ça et pas comme ça. Et donc, c'est quand même un peu une bonne leçon, quoi. Pour réagir un peu sur pourquoi il y a une réaction comme ça hostile au sein même de la gauche, en regardant aussi les articles, je me suis rendu compte qu'il y avait une ligne que je trouve quand même très, très dangereuse et très simplificatrice qui juxtapose les problématiques qu'on vit ici de craquage médiatique sur l'antiterrorisme et sur le risque terroriste. Et y a, effectivement, il y a un discours à tenir ici à dénoncer cette lutte soi-disant antiterroriste qui est en train de supprimer tous nos droits, toute la liberté d'expression, qui est en train de... Mais en fait, ils juxtaposent ce discours en disant, regardez votre discours de soutien au Rojava, finalement, il s'inscrit dans la même lignée que nos États, de discours antiterroristes, de discours contre Daesh. Du coup, vous ignorez les autres groupes révolutionnaires parce que vous les considérez, vous êtes dans la lecture antiterroriste de nos États et tout ça. Et il y a un enjeu à complexifier un peu la chose, quoi. Enfin, c'est une chose de mener en France ce discours critique sur la ligne antiterroriste et sur les impacts que ça a sur notre vie politique, et que bien sûr absurde cette guerre qu'on mène contre le terrorisme, etc. C'est autre chose complètement de soutenir des groupes là-bas qui se battent certes contre Daesh et tout ça, parce que ça menace concrètement leur existence. Et enfin, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais l'amalgame qui est fait, on peut rien dire pour les défendre parce qu'on on serait dans la même, du coup, enfin, comment dire, on serait dans la lignée de nos États, de Trump, de la France, de l'Union européenne, de soutenir juste un groupe qui combat Daesh. Donc, on ne soutient pas parce qu'il combat Daesh seulement. Enfin, on le soutient pour tout un tas d'autres raisons. Et il faut complexifier, je pense, du coup, ce discours et sortir de ces logiques binaires. Voilà, dans le monde, il n'y a pas juste combattre le terrorisme et le reste. Enfin, voilà. J'étais un peu confuse, mais... Ouais, déjà, moi, je voulais revenir en fait sur les soi-disant experts autoproclamés là, qui s'expriment beaucoup sur le Moyen-Orient, entre autres. En fait, ce qui leur sort aussi, c'est qu'ils sont sur leur argumentaire que j'ai envie de dire confit, archi depuis 60 ans. Pour certains, il y en a qui ça fait presque 50 ans qu'ils répètent la même chose inlassablement à la télé. Ils changent juste les noms, mais en fait, ce qu'ils font, c'est entretenir ce vieux même argumentaire. Inlassablement, qui est une idée recuite, en terre auto-alimentée, ils ont raison parce qu'ils ont raison, parce qu'ils savent, et ça fait 40 ans qu'ils sont experts du sujet, ils savent tout, mieux que tout le monde, et surtout, mieux que les gens qui sont concernés. Et en fait, derrière, il y a aussi la volonté de ne pas permettre l'expression des idées, de maintenir une idéologie. Et justement, tu disais, cette simplification qu'il propose, elle est indispensable pour que les gens ne puissent pas se faire une opinion et ne puissent pas savoir ce qui se passe. L'objectif, c'est de défendre les intérêts d'un État, d'une idéologie politique, et plutôt que de défendre un peuple. Et justement, est-ce que le fait qu'il y ait ce matraquage médiatique, c'est pas tout simplement une méthode très basse et très vicieuse de désinformation médiatique? Parce que dans plein de luttes, on a très vite découvert qu'en fait, instrumentaliser et médiatiser les appels à l'aide, c'est souvent les enfermer d'autres appels à l'aide dans une pièce insonorisée, en fait. Ça permet de mettre un nuage de fumée sur plein de luttes. Donc, par exemple, quand moi j'entends parler du Rojava par des gens qui connaissent pas vraiment, c'est le terrorisme. Mais du coup, on parle même plus de l'agriculture au Rojava, on parle plus de la commune internationaliste, on parle plus du droit des femmes. Et est-ce que justement, c'est pas voulu tout ça? C'est une politique quelque part. Oui, je ne sais pas si je vais réagir, mais oui, c'est exactement là le paradoxe, puisque quand tu disais tout à l'heure qu'on comprend de plus en plus que dans ce genre d'articles et tout ça, comment si ça ne sert pas, ça rentre pas dans leur logiciel, du coup ils prennent pas. Le paradoxe, c'est que le problème avec ces groupes-là, c'est que ça sert même pas leurs intérêts. Il faut d'abord qu'ils se montrent comme groupe, ce qu'ils font, ce qu'ils réclament. Ils ont une ligne claire, parce que exactement ce qu'ils font, c'est de reprendre une ligne médiatique qui est bien tracée, et que l'image qu'on a ici en France du Rojava, c'est l'image que l'ont donné les médias. C'est pas du tout ça le Rojava de ce qui se passe au Rojava. On parle aujourd'hui et qu'on détourne sur la question du terrorisme, c'est pas les gens du Rojava qui se targuent ou qui se montrent comme les meilleurs ennemis de Daesh et seulement. Non, eux, ils ont mieux à faire, ils le font, ils construisent un projet de société alternatif avec le confédéralisme démocratique qui n'est pas seulement le produit pour le Kurdistan, parce que si on s'intéresse un petit peu à la région, les États-nations qui ont été installés dans la région, d'énormes problèmes pour toutes les populations locales. Le démembrement de l'Empire ottoman a vu naître des pays tracés comme ça, avec des frontières tracées par les autres empires coloniaux, et qui a une situation explosive dans tous les pays. Aujourd'hui, avec les printemps arabes, on voit l'éclatement de l'Irak, une minorité sunnite qui a gouverné sur une grande majorité chiite. Et bon, c'est un peu le qui prévaut dans ce genre de pays. Mais pour revenir au traitement médiatique et à ces critiques un peu qu'on voit de partout, c'est que le problème, ce genre de démarche, il y a d'abord la temporalité. Dans tous les groupes politiques, il faut le dire, ici en France, on vit aussi une grande crise politique, que tous ceux qui se disent faire de ou s'intéressent aux expériences un peu originales ou alternatives dans le monde entier, ils s'y intéressent pendant les premiers temps, ce qui est arrivé par exemple avec le Chiapas, après personne n'en parle. Ils s'intéressent au Rojava au moment de Kobané, et puis par la suite on laisse faire et on abandonne à BHL ou à tous ceux qui en parlent dans les médias pour reprendre exactement la même idée et pour jouer l'originalité. Bah du coup, moi je soutiens plus les militants révolutionnaires d'Idlib, parce que aujourd'hui ils sont pris à Assad ou les autres tentatives ou expériences révolutionnaires. Bon, juste pour c'est un peu très à la fois paradoxal par rapport à leur ligne, parce qu'ils n'en ont pas une, et ils reprennent un peu une propagande toute faite pour essayer de se démarquer, mais rien que pour jouer la balame au final. Je soutiens pas les autres. Par rapport aux groupes politiques, moi j'ai lu par exemple un article qui a été écrit trotskiste de la 4e internationale. On soutient le projet du Rojava et tout ça, mais avec un mot d'ordre pour vraiment l'intégrer dans son logiciel, qui est complètement réaliste, limite ridicule, de pourquoi la faute des Kurdes ou du Rojava, c'est de ne pas déclarer la guerre révolutionnaire et de lancer cet appel aux Turcs, aux Iraniens, aux Irakiens pour mener la guerre révolutionnaire. Bon, quand on creuse un petit peu, on trouve que les trotskistes sont les frères ennemis des maoïstes, que le PKK historiquement a été maoïste, et voilà. Quand on voit le parti, la France Insoumise qui dit on soutient le Rojava, mais en même temps on soutient Assad, et quand ils parlent de la Syrie, ils soutiennent Assad, quand les autres disent que la gauche française fantasme le Rojava, je sais pas de quelle gauche française parle-t-il. Enfin, la gauche française à chaque fois, c'est France Insoumise qui soutient ce qui se passe au Venezuela ou les pays socialistes de l'Amérique latine. Mais c'est pas voilà. Du coup, là où je rejoins, c'est effectivement les nations se retrouvent dans une espèce de clivage pseudo-idéologique et utopique, en mode si ça sert à notre cause ou si ça peut servir à notre lutte ou des choses comme ça, bah, on va soutenir ou on va pas soutenir. Mais moi je pense que, moi c'est un avis personnel, je pense que ce clivage de vision, il vient notamment du fait qu'en Occident, je fais une grosse globalité, en Occident, depuis l'époque féodale, les trois quarts des guerres, ça a été des guerres coloniales ou de territorialisation, aussi bien terrestre. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont été à l'école, qui ont fait histoire géo comme tout le monde et qui ont travaillé sur l'histoire des guerres dans le monde, peut-être ne comprennent pas ce clivage de aujourd'hui décider de prendre les armes, pas pour faire une guerre et envahir un autre camp, pour défendre un territoire qui est déjà donné, qui est étendu, et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui essayent de tourner ça en dérision. Pourquoi par exemple les gens qui vont fantasmer sur le fait de lancer une guerre révolutionnaire, pour moi c'est typiquement des gens qui veulent ridiculiser le mouvement, parce que aujourd'hui lancer une guerre révolutionnaire, je pense que ça serait le truc qui desservirait le plus l'image de qu'ils ont mis des années à construire, en fait, cette image qui est une image de partage, de on va dire d'amour de son prochain, peu importe le clivage idéologique, une vraie notion de partage. Et donc du coup fondamentalement au-delà de ça, la guerre, bah C'est opposé en fait fondamentalement. La guerre telle qu'on la connaît, moderne, telle que l'Occident la pratique, c'est quelque chose de colonial qui sert à envahir un pays, prendre des ressources, à servir un peuple. Et le Rojava aujourd'hui s'inscrit dans une démarche militaire. J'ai envie d'utiliser le mot plus militaire que guerrière. Pourquoi ? Parce que militaire, d'armer une population, de former des gens à se défendre et pas à aller attaquer autrui. Et c'est ce clivage-là, je pense, qu'en Occident, à comprendre, notamment les politiques, hein, parce que de par la formation politique, de base, la guerre, c'est quelque chose de colonial. C'est pas quelque chose qui a été imposé ou qui a été créé pour partager. On dit pas asservir, on dit développer. Oui. Moi, je suis pas politiquement correct. Pour rebondir, une autre tendance, à mon avis, qui se forme sur la critique de ce qui se passe au Rojava. Au Rojava, c'est un peuple qui est prêt à prendre les armes pour se défendre. Or, actuellement, entre autres, en France, il y a une tendance qui est assez dominante, c'est la non-violence. Les luttes non-violentes, ne pas prendre les armes, ne pas être agressif. Et là, c'est quelque chose qui heurte profondément les tenants de ce principe de manière absolue. C'est-à-dire qu'il faut être non-violent tout le temps, quoi qu'il arrive, parce que c'est légitimer la violence qui est en face. Et ils ne comprennent pas qu'on par prendre les armes, ne serait-ce que pour pouvoir survivre. Et que pour se protéger d'une violence, bah, il faut s'armer, il faut être capable de faire acte soi-même de violence. Et c'est cet embourgeoisement européen qui fausse la perception des contraintes et des nécessités d'un peuple qui n'a plus le choix. Quoi. Je vais te conclure juste sur des trucs que j'avais oublié de dire, les manifestations. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, qu'on a tous très froid et qu'on a déjà beaucoup parlé. Peut-être qu'il y a quand même toujours des manifestations tous les samedis, a priori, à 15h à République, avec les Kurdes et leur soutien. Qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire d'autre ? Donc voilà, les assemblées du collectif soutien Rojava tous les mardis à 19h au Locan. Voilà, bah, si vous voulez laisser votre mail aussi sur une feuille pour qu'on tienne au courant des choses, mais bon, je pense qu'on va rester en contact avec EduPop de toute manière. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? On va ajouter que tous les samedis. Tous les samedis, la manifestation, les 15h, République en soutien. Donc voilà. Et qu'on espère que ça bouge un peu plus quand on se voit ce qui s'est passé en Allemagne, en Italie, où il y a des moules plus massives en soutien au Rojava. Il y a eu des actions de blocage d'aéroports en Allemagne qui ont été très importantes. Donc il y a vraiment des choses à faire encore en France pour mobiliser davantage, quoi. Donc on espère que voilà, on va multiplier ce genre d'initiatives à la cause. Merci beaucoup d'être resté aussi longtemps dans le froid, d'avoir écouté et d'avoir. Merci beaucoup à Duke Pop. D'avoir organisé ça avec nous, voilà.